Pour appeler une fonderie d'art, il faut obligatoirement des modèles. Donc là, à Écuré, donc, c'était une fonderie d'art. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu les origines des modèles qui sont arrivés à Écuré, comment ils sont arrivés et à quoi ils ont servi. Donc là, vous avez une photo avec principalement des bustes, mais vous allez voir, il y a toute une autre constitution de fonds de modèle. Comment ? C'est de la pierre, ça. Du plâtre. Ah, du plâtre. C'est du plâtre. On va vous expliquer après. Donc, qui nous sommes ? Donc, l'ASPM, donc Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine métallurgique en Marnais. Donc, cette association est née en 1990 pour sauvegarder le haut fourneau de Dommartin le Franc, qui était daté de 1834 et qui était menacé de démolition. Donc, l'association a donc racheté le site et il a racheté pour pouvoir le remettre en état. Et maintenant, c'est, disons, un site qui peut être visité et qui explique la métallurgie. Donc, à Dommartin-le-Franc, on a donc deux endroits où on est amené à intervenir. Donc, l'usine du Haut, donc, qui est devenue maintenant Métallurgique Parc, donc centre d'interprétation de la métallurgie ancienne, et l'usine du Bas, donc l'ancienne fonderie de Dommartin-le-Franc, où actuellement on est en train de développer un conservatoire des arts de la métallurgie. Donc, je ne suis pas là par hasard. Donc, notre rayon d'action, donc, c'est la région de Saint-Dizier, de recherche autour de Saint-Dizier, Bar-le-Duc, donc la vallée de l'Ornain, la vallée de la Saulle, la vallée de la Marne, la vallée de la Blesse, qui sont les principales activités métallurgiques dans la région. Donc, pour les hauts fourneaux, pour produire de la fonte, il fallait trois éléments indispensables, l'eau, la forêt et le minerai. Donc, dans la région, bon, on a vu que la forêt, il y avait ce qu'il fallait. L'eau, donc, vous avez une rivière qui passait sur le site et qui alimentait donc les roues à eau pour donner les forces motrices. Le minerai, les forêts aux alentours contenaient du minerai et il y a des endroits ça s'appelle encore les minières. Donc, dans la région, vous allez trouver des endroits qui sont appelés les minières dans les bois et où a été extrait le minerai de fer. Donc, pour pouvoir faire de la fonte, pour réduire le minerai de fer, il fallait obligatoirement du charbon de bois. Donc, une très grande consommation de bois. Donc, on voit avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la suite. Donc, il fallait énormément de charbon de bois. Donc, les charbonniers vivaient partiellement dans la forêt. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient obligés de surveiller en permanence leurs meules pour ne pas qu'elles brûlent et ne plus avoir qu'un tas de cendres. Parce qu'il fallait que la combustion se fasse, mais contrôlée. Donc là, en 1854, par exemple, en Haute-Marne, donc il a été produit 76 000 tonnes de fonte. Donc il a fallu 1 million de mètres cubes de bois pour faire ces 76 000 tonnes de fonte. Donc on voit que c'était considérable. Il fallait en gros 13 mètres cubes de bois par tonne de fonte. Donc 13 mètres cubes de bois, ça donnait environ 2 tonnes de charbon de bois. Donc c'était considérable la consommation de bois pour faire le charbon de bois. Donc il y avait des familles entières qui étaient charbonniers, et dans toutes les forêts, on retrouve les endroits où étaient faits les meules de charbon de bois. Et dans ma famille, du côté de ma mère, il y a même une tombe à Bailly-aux-Forges, où sur la stèle, il est sculpté, une meule de charbon de bois, la hutte du charbonnier et la brouette pour transporter le charbon de bois. Donc vous voyez que ça est quand on lit les registres d'état civil, on retrouve le nom des charbonniers, on retrouve leur profession qui sont indiquées dans les actes d'état civil. Donc là, vous voyez par contre la photo, le charbonnier, il a actuellement plus de 75 ans et il fabrique toujours du charbon de bois dans la Haute-Marne. Donc l'origine du fond de modèle. Donc, en 1860, Léon-Claude de Nonvilliers, son fils Maurice-Marie et Victor Célestin Saleur fondent une société pour exploiter une fonderie à Aulneval. Alors, à Aulnevel, pas confondre avec le Val d'Aulne. C'était deux établissements qui étaient différents. Donc, la famille de Nonvilliers était des vendeurs d'acier et de fonte sur Paris et qui sont venus s'installer dans la région. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été s'installer à Aulnevel. Donc, à Aulnevel, donc on a le plan du cadastre Napoléon qui nous indique bien l'endroit où il y avait le barrage, où il y avait l'usine. Et là, vous voyez encore les restes actuellement des bâtiments qui existent encore. Donc, voilà la chute qui servait pour entraîner les turbines. Donc, le débit n'était pas très important, mais la chute était quand même relativement importante. Donc, ça permettait d'avoir suffisamment d'énergie pour produire. Donc, le problème à Aulnevel, c'est que c'était inclus dans le village. Donc, Léon de Nonvilliers voulait construire un haut fourneau. Et il n'a jamais eu l'autorisation, puisque c'était dans le village. Donc, il y a eu une pétition pour interdire l'autorisation de construction du haut fourneau, parce que les gens avaient peur que ça mette le feu au village. Donc, suite à ce refus, il a été s'installé à Sermaise-les-Bains, enfin Sermaise-sur-Sault à l'époque, où il y avait déjà un établissement. Donc, il a racheté une usine qui avait été construite par Hanotin et Jacot, et qui était donc sur un bras de la Sault. Donc, avant de venir dans la Haute-Marne, de Nonvilliers possédait déjà des modèles qu'il faisait éditer dans différentes fonderies, avant de pouvoir s'installer en tant que fondeur. Donc, quand il est venu à Aulnevel, il est venu avec un certain nombre de modèles. Et après, il a amplifié énormément son fond de modèles. Donc, voilà l'implantation à Sermaise. Donc, c'était sur un terrain qui était quand même relativement important, qui lui permettait de se développer et qui n'était pas inclus dans le village. Donc là, il avait toute la latitude pour pouvoir s'implanter. Donc, en 1889, il y a la création du comptoir des fontes et de bâtiments par la société Châtel et Mathieu, Victor André et Auguste Salin et Edmond Capitain. Donc, pour la diffusion des productions de chaque entreprise. Donc ça, c'était une société qui était à Paris et qui était chargée de diffuser les productions de chaque entreprise. Par contre, donc, deux ans plus tard, en 1891, le comptoir des fontes et de bâtiments n'avait plus que deux actionnaires qui étaient Auguste Salin et Edmond Capitain et Charlotte Génie, sa femme, évidemment. Donc, qui étaient les deux beaux-frères. Donc, malheureusement, en 1896... La fonderie de Sermaise a été en très grande difficulté, donc il y a eu la liquidation de la fonderie, qui a été reprise par Capitain et Salin, mais qui a fermé l'année suivante, puisque de toute façon, eux avaient déjà chacun leur établissement de fonderie. Donc ils ont fermé l'usine de Sermaise, qui avait déjà perdu pratiquement moitié de ses effectifs. Donc, par contre, ce qui a été très intéressant, c'est que suite à la création de cette société, donc le comptoir des bâtiments, des fonds de bâtiments, donc il y a un inventaire qui a été édité, qui a été réalisé en 1896, qui comporte 69 pages manuscrites, donc vous en avez une page ici, qui se trouve aux archives départementales à Bar-le-Duc, et qui nous a donné un tas de renseignements sur le fonds de modèle qui était disponible à Sermaise-les-Bains. Donc là, on a pu revoir qu'il y avait à peu près 70 modèles issus d'une quarantaine de sculpteurs, quand même assez prestigieux pour certains. Donc ensuite, avec cet inventaire, on a retrouvé aussi un contrat d'édition vierge qui nous a permis aussi de savoir comment étaient régies les relations entre le sculpteur et le fondeur. Jusqu'à présent, personne ne connaissait comment ça se passait entre le sculpteur et le fondeur. Donc ce traité d'édition nous a permis vraiment de savoir comment étaient réglés les pourcentages, éventuellement, comment c'était réglé entre les différents intervenants. Et ça, c'est pareil, c'était donc aux archives départementales à Bar-le-Duc. Donc vous voyez, par exemple, ici, vous avez un exemple. Donc la page, d'un côté, vous aviez la page avec les modèles, et à côté, vous aviez le nom des sculpteurs et les conventions, si c'était des conventions verbales, si c'était écrit, enfin bon, vraiment les traités d'édition. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même assez génial, parce que jusqu'à présent, personne n'avait eu ça sous les yeux. Donc après la fermeture de Sermaise en 1897, donc le fonds de modèle est partagé entre les deux beaux-frères, donc Edmond Capitain Génie et Auguste Salin. Donc chacun avait un établissement. Donc Auguste Salin était déjà implanté à Dame Marie et à Écureuil aussi, et Edmond Capitain, donc Génie, était à Bussy. Donc les deux beaux-frères ont racheté les modèles et se sont partagés ces modèles. Donc ici, on a donc aussi donc Colas, qui était aussi un fondeur qui était à Montier-sur-Sault, une fonderie, qui a fermé aussi, qui a eu un sort un peu funeste, puisqu'ils avaient quand même, à ce moment-là, ils avaient Montier-sur-Sault, ils avaient Chevillon, et ils avaient aussi les fonderies de Bayard. Et le gendre turquet, en 3 ans de temps, a réussi quand même à couler la société qu'avaient créée ses aïeux. Donc, ces Colas, frères, donc, avaient déjà édité aussi de la fonderie d'art. Donc, ils avaient un fonds de modèle qui a été racheté aussi par Capitain et par Salin. Donc, le fonds de Nonvilliers est venu compléter ce fonds de modèle. Donc là, on a, nous, association, on a les catalogues de Colas Frères, on a les différents catalogues qui reprennent les fonds. Donc les deux sites maintenant, les deux fonds de modèle, donc, ont été répartis sur deux sites. Donc le site des curés, puisque la famille Salin était propriétaire jusqu'à la fermeture, et à Dommartin-le-Franc, pourquoi ? Parce que Dommartin-le-Franc, monsieur Ferry, sa partie de modèle était dans l'usine du Rongeant, et en 1984, je crois, ou 86, je n'ai plus en tête, donc il a revendu l'usine du Rongeant à la commune de Joinville. Donc il a fallu déménager le fonds de modèle rapidement, et le fonds de modèle a été ramené dans la fonderie de Dommartin-le-Franc. Donc ils ont été stockés pendant très longtemps dans des greniers, et depuis peu, on est en train de les montrer pour les faire visiter. Donc ici, à Écureuil, donc vous avez un bâtiment principal que l'on voit ici, où on a énormément de modèles. Donc on a la partie appui, balcon, balustre, qui sont dans ce bâtiment, et la partie statuaire qui est dans un autre bâtiment. Donc voilà le bâtiment où il y a les modèles en fonte. Donc voilà un petit peu le type d'enchevêtrement que l'on retrouve dans ce bâtiment. Donc là, il y a des milliers et des milliers de modèles. Donc c'est un trésor que l'on ne retrouvera jamais. Ça serait dommage qu'il ne soit pas mis en avant. Donc là, ici, vous avez par exemple des barres d'appui de croisée, donc pour mettre devant les fenêtres. Là, vous avez des balcons de croisée, donc vous voyez qui sont numérotés donc sur des pages de catalogue de 1 à 309. Donc vous voyez qu'il y a quand même 309 pages uniquement pour ce genre de balcon. Et à chaque fois, chaque balcon est décliné dans plusieurs dimensions. Donc imaginez un petit peu le nombre que cela représente au total. C'est quand même assez spectaculaire. Balcon de Sailly, pareil, donc numéroté de 1100 à 1212, donc 112 pages, mais 112 pages avec une multitude de dimensions. Donc là, les balustrades, de 100 à 157. Donc vous voyez qu'il y en a, on en voit là des quantités phénoménales. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le visiter directement, ce bâtiment, parce que ben, les passages sont pas larges, donc malheureusement, ça ne peut pas être ouvert au public. Par contre, maintenant, il y a un éclairage qui a été fait, et le soir, on peut voir, avec l'éclairage, on peut voir très bien l'intérieur. Donc les grands balcons, vous voyez, 158 à 455, donc vous voyez la multitude aussi de pièces. Donc là, je n'ose pas dire combien il peut y avoir de tonnes de modèles en fonte, mais ça doit être quand même assez important. Et vous voyez, c'est même stocké sur plusieurs niveaux. Donc là, les panneaux de porte et impostes, vous voyez, il y en a des quantités absolument importantes. donc la partie religieuse, donc avec en haut les bancs d'église, donc avec toutes les formes que l'on peut trouver dans les différentes églises. Ici, vous avez des modèles de croix. Et donc là, maintenant, on passe au modèle de statuaire. Donc dans le catalogue édition 1912, il est indiqué en statues profanes et animaux environ 40 représentations, en statues religieuses 130 références de différentes dimensions. Parce que quand un modèle était fabriqué, le premier modèle, il y avait des moyens de le réduire ou de l'agrandir. Donc avec un système de pantographe, ils achetaient un modèle et après ils pouvaient le décliner dans toutes les dimensions qu'ils voulaient. Donc c'est pour ça que certains modèles religieux, on les a pratiquement de 5 cm en 5 cm. Les vierges, par exemple, vous avez toutes les tailles. Les Christ, c'est pareil. Les Christ, on commence à 14 cm et on va jusqu'à 3 mètres de hauteur. Donc, et pratiquement de 5 cm en 5 cm. Hein. Mais c'était les grandes ventes, donc il fallait absolument répondre à la demande. Et en fonction de l'argent que les gens souhaitaient mettre, ben, ils en avaient la taille qu'ils avaient dans la poche. Alors, ce fond de statuaire, donc, malheureusement, n'est pas visible, parce que ce sont des modèles en plâtre qui ont été mis dans un local qui est à hygrométrie contrôlée et à température contrôlée. Parce que le problème du plâtre, c'est que bien souvent, vous avez des barres métalliques qui sont à l'intérieur pour renforcer, et avec le temps, le plâtre reprend l'humidité, et la rouille fait 13 fois le volume du fer. Donc obligatoirement, ben, ça finit par faire éclater les plâtres. Donc vous avez des animaux, donc vous avez un sanglier de bouteiller, le chien apporte par Merel, donc on a à chaque fois des sculpteurs qui ont laissé leur nom pour un grand nombre d'œuvres. Donc là, le pas joueur de toupie par Fournier, la pêche aux crevettes par Jeanne de Montaigu. Donc là, c'est par contre, ça vous pouvez les voir quand vous visitez le musée. Donc ça, ils ont été, c'est des statues qui ont été bien remises en état et qui sont visibles quand vous allez voir le musée. Ça, c'est des plâtres. Hein. Oui. Mais sur les modèles qui n'étaient pas édités en grande quantité, le maître de forge travaillait à partir du plâtre. Par contre, quand c'était des modèles qui étaient édités en plus grande série, comme les Vierges, les Christ, là, ils faisaient des contre-modèles en fonte parce que le plâtre finit par s'abîmer assez rapidement. Donc à chaque fois, il fallait remettre en état le plâtre avant de pouvoir les réutiliser. Donc, et en plus, à partir du moment où ils faisaient des contre-modèles en fonte, ils travaillaient leurs contre-modèles pour faciliter le moulage. Et donc, ils faisaient des parties rapportées, telles que les mains qui étaient rapportées. Il y a des drapés qui étaient rapportés aussi, parce que ça compliquait énormément pour faire le moule. Donc, des bustes, donc, avec des personnages connus ou inconnus. Donc, il y en a certains, on arrive à mettre des noms, il y en a d'autres, on n'a absolument pas le nom et on n'a pas forcément le nom du sculpteur non plus. Par contre, ici, vous avez un buste, là, on sait, c'est Mathieu de Dombasle. Donc, il a énormément travaillé pour le monde agricole, puisqu'ils ont même fait, il a même fait des charrues, les charrues Mathieu de Dombasle, et qui ont même été fabriquées à Saint-Dizier dans une période. Donc, les statues religieuses, donc là, on voit que c'était des tirages plus importants, donc c'est bien souvent des contre-modèles en fonte. Donc là, vous avez l'exemple, dans les statues religieuses, il n'y a pratiquement plus, sur le site des curés, il n'y a pratiquement plus de statues en plâtre, mais tous les modèles ou des contre-modèles sont en fonte. Donc vous voyez, il y en a quand même une diversité importante, avec même le Saint-Michel terrassant de Dragon. Donc voilà pour le site des curés. Donc maintenant, je vais vous montrer donc l'autre partie du fond de modèle qui est stockée à Dommartin-le-Franc. Donc à Dommartin-le-Franc, on a à peu près 800 modèles en plâtre et en fonte qui étaient dans des greniers et qu'on vient de remettre progressivement dans des racks. On a refait le bâtiment, on a refait le sol, on a remis des racks pour pouvoir stocker l'ensemble de ces statues. Donc on les stocke sur pratiquement 3 niveaux. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des vierges, pratiquement de 5 cm en 5 cm. Donc là, c'est Notre-Dame de Lourdes. Donc, vous voyez, et là, tout est en contre-modèle, en fonte. Donc, on voit même ici le lien qui permet de retenir les deux parties. Parce que l'avantage aussi du contre-modèle en fonte, c'est qu'à l'intérieur, c'était évidé et ça permettait de faire le noyau pour faire la coulée. Donc, pour pouvoir sortir une statue creuse et non pas pleine, puisque ça ne sert à rien. C'est du poids de fonte qui n'était pas utile et qui coûtait très cher. Donc, voilà, par exemple, des saints. Donc, le Saint-Michel, vous voyez, on en a sept. Le plus petit fait 40 cm et le plus grand fait 2,70 m. Par contre, là, ils sont restés en plâtre. Donc là, une Vierge spéciale. Alors là, elle nous a posé quelques soucis, parce qu'elle est en plusieurs morceaux, et qui étaient répartis dans l'ensemble du site. Donc on n'était pas capable, au départ, de savoir qu'est-ce que ça représentait comme Vierge. Donc là, on a eu du mal un peu à trouver, mais on l'a trouvé. On avait le nom du sculpteur, Léon Cugnot, donc qui a été fait en 1888, et on a fini par trouver cette statue a été mise sur la chapelle du Collège royal de Juilly, en Seine-et-Marne. Donc c'était Louis XIV qui avait fait construire le Collège royal, et la chapelle a été rénovée en 1888, et donc elle a été, il y a donc cette statue de 3,70 m qui a été installée sur son faîte. Par contre, on ne trouvait aucune photo. Pourquoi ? Parce que cette chapelle est à l'arrière du bâtiment, elle n'est pas visible de la rue, et on ne trouvait aucune photo de cette Vierge. Donc c'est en retrouvant une carte postale ancienne qui la faisait figurer qu'on a pu la reconstituer comme ça. Et depuis, on en a retrouvé une autre qui est à Alrance, dans le sud de la France, et qui est aussi sur une chapelle. Donc là, une Pietà importante, puisqu'elle fait 1,95 m de hauteur, 1,50 m de large, et 0,95 m de profondeur. Par contre, elle était dans un très mauvais état, donc il a fallu faire un pulse en trois dimensions, puisqu'il a fallu reconstituer cette Pietà avec les morceaux épars que l'on avait. Donc on a recollé, on a réassemblé, et cette Pietà est dans la cathédrale de Nemours. Et elle a été coulée en bronze, et elle est dans la cathédrale de Nemours. Donc des modèles profanes, donc avec des Jeanne d'Arc, donc avec un certain nombre de grands sculpteurs, donc Fournier, Félix Charpentier, Manuela, c'était la duchesse d'Uzès, Marie d'Orléans, Prosper d'Épinay et Lucie Signoret le Dieu. Donc la petite que vous avez ici, donc c'est celle-ci qui est de Prosper d'Épinay, et elle représente la Jeanne d'Arc qui se trouve à Reims dans la cathédrale, et qui est tout à fait particulière, parce que la tête est en ivoire, la chasuble est en marbre de Carrare, avec les fleurs de lys en lapis-lazuli. Donc elle est vraiment de toute beauté, et donc là on en a un modèle en plus petite dimension. Mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé d'édition à partir de ce modèle-là. Donc, par contre, c'est pareil. La plus grande, enfin celle la grande qui est ici, donc elle a été réalisée et elle était sur la façade de l'église qui s'est trouvée à Mousson, sur la butte, et qui a été détruite pendant la guerre. Et il ne reste que le torse qui a été reposé au pied de la façade, où était la façade à l'époque de l'église. Donc on a eu du mal à retrouver qu'elle était en définitive sur un socle qui ne nous semblait pas à l'époque imaginable avec une Jeanne d'Arc. Donc, parce que c'était un socle qui est à part. Donc on a eu quelques difficultés pour réassembler les morceaux. Donc voilà les groupes et les décorations. Hein, vous voyez qu'on a quand même quelques belles pièces. Donc les bustes féminins et statuettes. Donc des allégories, donc la navigation, l'art, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'astronomie, donc qui ont été faites par deux sculpteurs, Bouteiller et Cugnot, en 1896. Et ces statues ont été réalisées et sont actuellement visibles sur la mairie de Bayonne. Au-dessus de la façade, il y a les six statues qui sont disposées sur la façade. Donc c'est assez particulier. Donc les animaux, le lion d'après Bartholdi, on a le lion d'Avignon, on a des chiens, on a un bouc, enfin bon, on a différents animaux, on a un loup, on a des chevreuils, enfin bon, il y a différents modèles de statues. Donc des bustes masculins, là évidemment il y en a beaucoup plus, puisque à l'époque il y avait des grands hommes qui voulaient avoir obligatoirement leur buste quelque part. Donc il y en a certains qu'on a pu réattribuer, mais il y en a d'autres qui restent pour l'instant toujours inconnus. Mais bon, maintenant on les a mis en valeur, donc on peut éventuellement rechercher pour les retrouver. Donc ce fonds artistique, il y a environ 600 modèles, dont 199 proviennent du fonds de Nonvilliers. Donc à partir de l'inventaire que l'on avait vu tout à l'heure, donc on a reconstitué qu'il y en avait 199 qui provenaient de cet inventaire. Donc après, le fonds a été complété, parce qu'il y a eu des rachats d'autres modèles, il y a eu d'autres artistes qui sont venus après. Et donc la partie religieuse représente 60% du fonds de modèles, et le profane et l'animalier 40%. Parce que le religieux, c'est ce qui faisait les ventes, il était au top 10 des ventes, donc c'est ce qui se vendait le mieux, donc là on en retrouvait beaucoup plus. Donc voilà le site du conservatoire de Martin, comment il se présente, donc avec les travées, donc sur trois niveaux, et avec des panneaux explicatifs sur chaque travée pour expliquer le fond de modèle, pour expliquer un petit peu, pour pouvoir faire les visites. Donc là, on a commencé à ouvrir ce site pour les journées du patrimoine de l'an dernier. Donc pour l'instant, on ne s'est pas ouvert au public en permanence, mais sur demande pour des groupes, on fait des visites. Donc voilà comment se situent comment se présentent les lieux. Donc, à partir d'un modèle, je vous ai mis aussi une présentation de la réalisation du moule, comment on faisait un moule à partir d'un modèle. Et là, on a un exemple, le lion d'Esserville, qui a été un accidenté de la route. Le lion d'Esserville, qui était sur sa stèle, sur le rond-point, une nuit, il y a une voiture qui est venue faucher la stèle, enfin, qui est venue rentrer sur le rond-point. Le lion est tombé et a été fêlé à plusieurs endroits. Donc la compagnie d'assurance de la voiture a décidé de payer le renouvellement du lion. Donc à partir du modèle qui était donc fissuré, donc les fonderies GHM de Somboire ont réalisé un autre moule pour pouvoir refaire le lion. Donc là, en plus, on a une chance magnifique, c'est que ils ont fait, c'est une technique un petit peu particulière en mode battu pour pouvoir retirer le modèle sans l'arracher quand il y a des contre-dépouilles. Donc là, ils ont fait des mottes battues de différentes couleurs, ce qui nous permet de voir un petit peu comment travaille un mouleur pour faire le modèle. Donc vous voyez, par exemple, là, vous voyez bien les mottes qui sont rassemblées pour pouvoir venir autour du modèle, pour pouvoir les retirer le modèle et les réassembler après pour faire le vide. Donc c'est quand même très joli parce qu'avec les couleurs, ça permet de bien voir comment c'est fabriqué. Parce qu'on voit un modèle, mais de là à passer à la réalisation, c'est pas évident d'arriver à le voir. Donc là, on voit la fermeture du moule, et puis derrière, on voit la coulée. Et ici, vous le voyez, le résultat, le lion qui retriomphe à nouveau sur son socle. C'est de la fonte actuelle, vous voyez la fonte grise actuelle. Non, Somboire fabrique régulièrement des fontes, des statues, des fontaines. Ils font régulièrement des fontaines Wallace. Ils font au minimum une dizaine de fontaines Wallace par an. Avant, on appelait ça le ciseleur, hein, puisqu'ils venaient retirer les bavures qui pouvaient rester par endroits. Maintenant, c'est des ébarbeurs qui retirent les bavures avec des meules, avec des fraises carbures. Enfin bon, donc c'est ébavuré avant d'être peint, d'être sablé, d'être peint. Oui. En plus, maintenant, ils font des peintures époxy cuites au four, donc qui durent beaucoup plus longtemps que des peintures au pistolet. Hein. Donc, des paradis, il n'y en a plus beaucoup. Donc, vous en avez un ici, vous en avez un de Martin Lefranc, et vous avez aussi le paradis de Somboire, qui est le fond du Rennes, qui était à la GHM à Somboire, et qui a été mis dans un local qui est aussi mis en présentation. Donc là, c'est des modèles complètement différents, puisque c'était des autres sculpteurs, c'était un autre fondeur. Donc là, vous avez aussi des fonds de modèles qui sont intéressants à voir. Donc vous voyez que, bon, là, ils ont pris, eux, l'initiative parce qu'ils n'avaient pas beaucoup moins de place dans leur bâtiment, à ce moment-là. Donc ils ont beaucoup plus tassé, alors que nous, à Dommartin, on a mis en hauteur pour pouvoir les espacer, pour pouvoir passer entre, enfin bon, les pouvoir, disons, en fonction de l'espace de chacun, chacun a choisi une autre solution. Hein. Donc là, quelques réalisations de Salin. Donc la Vierge d'Alzon, qui a été faite en 1935 et qui fait 7 mètres de haut. Donc, il y a une partie qui a été faite ici, telle que l'enfant Jésus, la couronne, les petites parties ont été faites à Écuré. Par contre, les grandes parties ont été faites à Dame-Marie, puisque là, ils n'avaient pas le matériel ni les dimensions pour pouvoir faire ce genre de grandes pièces. Et on voit, vous voyez, les hommes à côté. Donc ils ont fait un montage à blanc, ils ont rassemblé donc tous les différents morceaux avant de pouvoir faire l'expédition, pour voir si tout se montait bien. Donc ça, c'est quand même assez particulier, et on voit quand même qu'il y avait quand même des belles choses à réaliser. Et donc, étant à Montier-sur-Saut, on a parlé de la forêt, donc promenons-nous dans les bois quand le loup n'y est pas, puisque là, il est avec le petit chaperon rouge, et cette statue se trouve devant le collège de Montier-sur-Saut. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je pense vous avoir donné un peu d'éclaircissement sur des fonds de modèle. Par contre, à Montier-sur-Saut, il est dommage, il y a une tombe qui est en fonte, qui appartenait à la famille Colas, et qui est malheureusement en train de se dégrader énormément. Donc c'est un peu dommage de voir qu'il y ait des choses comme ça qui se dégradent, qui sont uniques. Je ne sais pas s'il y a des gens de Montier-sur-Saut qui m'écoutent, mais ça peut toujours servir. Donc, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre.